Quand j'ai trop fumé ou quand j'ai trop bu, j'arrive plus à marcher. J'arrive plus, alors bébé, accroche-moi et dis-moi où est-ce que tu m'amènes. Bébé, accroche-moi et dis-moi où est-ce que tu m'amènes. La terre tourne à l'envers, ma tête tourne avec elle quand il y a beaucoup trop d'étoiles. J'arrive plus à viser, oh bébé,